Les Confessions, livre 3, 1728-1731. Sorti de chez Madame de Verselis, à peu près comme j'y étais entré, je retournai chez mon ancienne hôtesse, et j'y restai 5 ou 6 semaines, durant lesquelles la santé, la jeunesse et l'oisiveté me rendirent souvent mon tempérament importun. J'étais inquiet, distrait, rêveur, je pleurais, je soupirais, je désirais un bonheur dont je n'avais pas d'idée et dont je sentais la privation. Cet état ne peut se décrire. Et peu d'hommes même le peuvent imaginer, parce que la plupart ont prévenu cette plénitude de vie, à la fois tourmentante et délicieuse, qui, dans l'ivresse du désir, donne un avant-goût de la jouissance. Mon sang allumé remplissait incessamment mon cerveau de filles et de femmes. Mais, n'en sentant pas le véritable usage, je les occupais bizarrement en idées à mes fantaisies, sans en savoir rien faire de plus. Et ces idées tenaient mes sens dans une activité très incommode, dont par bonheur elles ne m'apprenaient point à me délivrer. J'aurais donné ma vie pour retrouver un quart d'heure une demoiselle Goton. Mais ce n'était plus le temps où les jeux de l'enfance allaient là comme d'eux-mêmes. La honte, compagne de la conscience du mal, était venue avec les années. Elle avait accru ma timidité naturelle au point de la rendre invincible. Et jamais, ni dans ce temps-là, ni depuis, je n'ai pu parvenir à faire une proposition lascive que celle à qui je la faisais ne m'y ait en quelque sorte contraint par ses avances, quoique sachant qu'elle n'était pas scrupuleuse et presque assurée d'être prise au mot. Mon agitation crut au point que, ne pouvant contenter mes désirs, je les attisais par les plus extravagantes manœuvres. J'allais chercher des allées sombres, des réduits cachés, où je pusse m'exposer de loin aux personnes du sexe dans l'état où j'aurais voulu être auprès d'elles. Ce qu'elles voyaient n'était pas l'objet obscène, je n'y songeais même pas. C'était l'objet ridicule. Le sot plaisir que j'avais de l'étaler à leurs yeux ne peut se décrire. Il n'y avait de là plus qu'un pas à faire pour sentir le traitement désiré. Et je ne doute pas que quelque résolu ne m'en eût, en passant, donné l'amusement, si j'eusse eu l'audace d'attendre. Cette folie eut une catastrophe à peu près aussi comique, mais un peu moins plaisante pour moi. Un jour, j'allais m'établir au fond d'une cour, dans laquelle était un puits, où les filles de la maison venaient souvent chercher de l'eau. Dans ce fond, il y avait une petite descente qui menait à des caves par plusieurs communications. Je sondais dans l'obscurité ces allées souterraines, et les trouvant longues et obscures, je jugeais qu'elles ne finissaient point, et que, si j'étais vu et surpris, j'y trouverais un refuge assuré. Dans cette confiance, j'offrais aux filles qui venaient au puits un spectacle plus risible que séducteur. Les plus sages feignirent de ne rien voir, d'autres se mirent à rire, d'autres se crurent insultés et firent du bruit. Je me sauvai dans ma retraite, j'y fus suivi. J'entendis une voix d'homme sur laquelle je n'avais pas compté et qui m'alarma. Je m'enfonçai dans les souterrains au risque de m'y perdre. Le bruit, les voix, la voix d'homme me suivaient toujours. J'avais compté sur l'obscurité, je vis de la lumière. Je frémis, je m'enfonçai davantage. Un mur m'arrêta, et ne pouvant aller plus loin, il fallut attendre là ma destinée. En un moment, je fus atteint et saisi par un grand homme portant une grande moustache, un grand chapeau, un grand sabre, escorté de 4 ou 5 vieilles femmes armées chacune d'un manche à balai, parmi lesquelles j'aperçus la petite coquine qui m'avait décelé et qui voulait sans doute me voir au visage. l'homme au sabre, en me prenant par le bras, me demanda rudement ce que je faisais là. On conçoit que ma réponse n'était pas prête. Je me remis cependant, et, m'évertuant dans ce moment critique, je tirai de ma tête un expédient romanesque qui me réussit. Je lui dis, d'un ton suppliant, d'avoir pitié de mon âge et de mon état, que j'étais un jeune étranger de grande naissance dont le cerveau s'était dérangé, que je m'étais échappé de la maison paternelle parce qu'on voulait m'enfermer, que j'étais perdu s'il me faisait connaître, mais que s'il voulait bien me laisser aller, je pourrais peut-être un jour reconnaître cette grâce. Contre toute attente, mon discours et mon air firent effet. L'homme terrible en fut touché, et après une réprimande assez courte, il me laissa doucement aller, sans me questionner davantage. À l'air dont la jeune et les vieilles me virent partir, je jugeai que l'homme que j'avais tant craint m'était fort utile, et qu'avec elle seule, je n'en aurais pas été quitte à si bon marché. Je les entendis murmurer je ne sais quoi, dont je me souciais guère, car, pourvu que le sabre et l'homme ne s'en mêlassent pas, j'étais bien sûr, leste et vigoureux comme j'étais, de me délivrer de leur tricot et d'elle. Quelques jours après, passant dans une rue avec un jeune abbé, mon voisin, j'allais donner du nez contre l'homme au sabre. Il me reconnut, et, me contrefaisant d'un ton railleur, « Je suis prince, me dit-il. Je suis prince. Et moi, je suis un coyon. Mais que son Altesse n'y revienne pas. » Il n'ajouta rien de plus, et je m'esquivai en baissant la tête, et le remerciant dans mon cœur de sa discrétion. J'ai jugé que ces mauvaises vieilles lui avaient fait honte de sa crédulité. Quoi qu'il en soit, tout piémontais qu'il était, c'était un bon homme, et jamais je ne pense à lui sans un mouvement de reconnaissance. Car l'histoire était si plaisante que, pour le seul désir de faire rire, tout autre à sa place m'eût déshonoré. Cette aventure, sans avoir les suites que j'en pouvais craindre, ne laissa pas de me rendre sage pour longtemps. Mon séjour chez Madame de Vercelli m'avait procuré quelques connaissances, que j'entretenais dans l'espoir qu'elle pourrait m'être utile. J'allais voir quelquefois, entre autres, un abbé savoyard appelé M. Guem, précepteur des enfants du comte de Mélarède. Il était jeune encore et peu répandu, mais plein de bon sens, de probité, de lumière, et l'un des plus honnêtes hommes que j'ai connus. Il ne me fut d'aucune ressource pour l'objet qui m'attirait chez lui. Il n'avait pas assez de crédit pour me placer, mais je trouvai près de lui des avantages plus précieux qui m'ont profité toute ma vie, les leçons de la saine morale et les maximes de la droite raison. Dans l'ordre successif de mes goûts et de mes idées, j'avais toujours été trop haut ou trop bas, Achille ou Tersite, tantôt héros et tantôt vaurien. Monsieur Guem prit le soin de me mettre à ma place et de me montrer à moi-même sans m'épargner ni me décourager. Il me parla très honorablement de mon naturel et de mes talents, mais il ajouta qu'il en voyait naître les obstacles qui m'empêcheraient d'en tirer parti, de sorte qu'il devait, selon lui, bien moins me servir de degré pour monter à la fortune que de ressources pour m'en passer. Il me fit un tableau vrai de la vie humaine dont je n'avais que de fausses idées. Il me montra comment, dans un destin contraire, l'homme sage peut toujours tendre au bonheur et courir au plus près du vent pour y parvenir. Comment il n'y a point de vrai bonheur sans sagesse, et comment la sagesse est de tous les états. Il amortit beaucoup mon admiration pour la grandeur, en me prouvant que ceux qui dominaient les autres n'étaient ni plus sages ni plus heureux, et comment la sagesse est de tous les états. Il amortit beaucoup mon admiration pour la grandeur, en me prouvant que ceux qui dominaient les autres n'étaient ni plus sages ni plus heureux qu'eux. Il me dit une chose qui m'est souvent revenue à la mémoire. c'est que si chaque homme pouvait lire dans les cœurs de tous les autres, il y aurait plus de gens qui voudraient descendre que de ceux qui voudraient monter. Cette réflexion, dont la vérité frappe et qui n'a rien d'outré, m'a été d'un grand usage dans le cours de ma vie, pour me faire tenir à ma place paisiblement. Il me donna les premières vraies idées de l'honnête que mon génie ampoulé n'avait saisies que dans ses excès. Il me fit sentir que l'enthousiasme des vertus sublimes était peu d'usage dans la société, qu'en s'élançant trop haut, on était sujet aux chutes, que la continuité des petits devoirs toujours bien remplis ne demandait pas moins de force que les actions héroïques, qu'on en tirait meilleur parti pour l'honneur et pour le bonheur, et qu'il valait infiniment mieux avoir toujours l'estime des hommes que, quelquefois, leur admiration. Pour établir les devoirs de l'homme, il fallait bien remonter à leurs principes. D'ailleurs, le pas que je venais de faire, et dont mon état présent était la suite, nous conduisait à parler de religion. L'on conçoit déjà que l'honnête M. Guême est, du moins en grande partie, l'original du vicaire savoyard. Seulement, la prudence l'obligeant à parler avec plus de réserve, il s'expliqua moins ouvertement sur certains points. Mais au reste, ses maximes, ses sentiments, ses avis furent les mêmes, et jusqu'au conseil de retourner dans ma patrie, tout fut comme je l'ai rendu depuis au public. Ainsi, sans m'étendre sur des entretiens dont chacun peut voir la substance, je dirais que ces leçons, sages, mais d'abord sans effet, furent dans mon cœur un germe de vertu et de religion qui ne s'y étouffa jamais et qui n'attendait pour fructifier que les soins d'une main plus chérie. Quoiqu'alors ma conversion fût peu solide, je ne laissais pas d'être ému. Loin de m'ennuyer de ces entretiens, j'y pris goût à cause de leur clarté, de leur simplicité, et surtout d'un certain intérêt de cœur dont je sentais qu'ils étaient pleins. J'ai l'âme aimante, et je me suis toujours attachée aux gens moins à proportion du bien qu'ils m'ont fait que de celui qu'ils m'ont voulu. Et c'est sur quoi mon tact ne se trompe guère. Aussi, je m'affectionnais véritablement à M. Guême. J'étais pour ainsi dire son second disciple, et cela me fit pour le moment même l'inestimable bien de me détourner de la pente au vice où m'entraînait mon oisiveté. Un jour, que je ne pensais à rien moins, on vint me chercher de la part du comte de la Roque. À force d'y aller et de ne pouvoir lui parler, je m'étais ennuyé et je n'y allais plus. Je crus qu'il m'avait oublié, ou qu'il lui était resté de mauvaises impressions de moi. Je me trompais. Il avait été témoin, plus d'une fois, du plaisir avec lequel je remplissais mon devoir auprès de sa tante. Il le lui avait même dit, et il m'en reparla quand moi-même je n'y songeais plus. Il me reçut bien, me dit que, sans m'amuser de promesses vagues, il avait cherché à me placer, qu'il avait réussi, qu'il me mettait en chemin de devenir quelque chose, que c'était à moi de faire le reste, que la maison où il me faisait entrer était puissante et considérée, que je n'avais pas besoin d'autres protecteurs pour m'avancer, et que, quoique traité d'abord en simple domestique, comme je venais de l'être, je pouvais être assuré que, si l'on me jugeait par mes sentiments et par ma conduite au-dessus de cet état, on était disposé à ne m'y pas laisser. La fin de ce discours démentit cruellement les brillantes espérances que le commencement m'avait données. « Quoi, toujours la quai ? » me dis-je en moi-même avec un dépit amer que la confiance effaça bientôt. Je me sentais trop peu fait pour cette place pour craindre qu'on m'y laissât. Il me mena chez le comte de Gouvon, premier écuyer de la reine et chef de l'illustre maison de Solar. L'air de dignité de ce respectable vieillard me rendit plus touchante l'affabilité de son accueil. Il m'interrogea avec intérêt, et je lui répondis avec sincérité. Il dit au comte de la Roque que j'avais une physionomie agréable, et qui promettait de l'esprit, qu'il lui paraissait qu'en effet je n'en manquais pas, mais que ce n'était pas là tout, et qu'il fallait voir le reste. Puis, se tournant vers moi, « Mon enfant, me dit-il, presque en toutes choses, les commencements sont rudes, les vôtres ne le seront pourtant pas beaucoup. Soyez sage et cherchez à plaire ici, à tout le monde. Voilà, quant à présent, votre unique emploi. Du reste, ayez bon courage, on veut prendre soin de vous. » Tout de suite, il passa chez la marquise de Breil, sa belle-fille, et me présenta à elle, puis à l'abbé de Gouvon, son fils. Ce début me parut de bon augure. J'en savais assez déjà pour juger qu'on ne fait pas tant de façons à la réception d'un laquais. En effet, on ne me traita pas comme tel. J'eus la table de l'office, on ne me donna point d'habit de livrée, et le comte de Favria, jeune étourdi, m'ayant voulu faire monter derrière son carrosse, son grand-père défendit que je montasse derrière aucun carrosse et que je suivisse personne hors de la maison. Cependant, je servais à table et je faisais à peu près au-dedans le service d'un laquais. Mais je le faisais en quelque façon librement, sans être attaché nommément à personne. Or, quelques lettres qu'on me dictait et des images que le comte de Favria me faisait découper, j'étais presque le maître de tout mon temps dans la journée. Cette épreuve, dont je ne m'apercevais pas, était assurément très dangereuse. Elle n'était pas même fort humaine, car cette grande oisiveté pouvait me faire contracter des vices que je n'aurais pas eus sans cela. Mais c'est ce qui, très heureusement, n'arriva point. Les leçons de M. Guem avaient fait impression sur mon cœur, et j'y pris tant de goût que je m'échappais quelquefois pour aller les entendre encore. Je crois que ceux qui me voyaient sortir ainsi furtivement ne devinaient guère où j'allais. Il ne se peut rien de plus sensé que les avis qu'il me donna sur ma conduite. Mes commencements furent admirables. J'étais d'une assiduité, d'une attention, d'un zèle qui charmait tout le monde. L'abbé Guem m'avait sagement averti de modérer cette première ferveur, de peur qu'elle ne vînt à se relâcher et qu'on y prît garde. « Votre début, me dit-il, est la règle de ce qu'on exigera de vous. Tâchez de vous ménager de quoi faire plus dans la suite, mais gardez-vous de faire jamais moins. » Comme on ne m'avait guère examiné sur mes petits talents et qu'on ne me supposait que ceux que m'avait donné la nature, il ne paraissait pas, malgré ce que le comte de Gouvon m'avait pu dire, qu'on songeât à tirer parti de moi. Des affaires vinrent à la traverse et je fus à peu près oublié. Le marquis de Breil, fils du comte de Gouvon, était alors ambassadeur à Vienne. Il survint des mouvements à la cour qui se firent sentir dans la famille, et l'on y fut quelques semaines dans une agitation qui ne laissait guère le temps de penser à moi. Cependant, jusque-là, je m'étais peu relâché. Une chose me fit du bien et du mal en m'éloignant de toute dissipation extérieure, mais en me rendant un peu plus distrait sur mes devoirs. Mademoiselle de Breil était une jeune personne, à peu près de mon âge, bien faite, assez belle, très blanche, avec des cheveux très noirs, et, quoique brune, portant sur son visage cet air de douceur des blondes auquel mon cœur n'a jamais résisté. L'habit de cour, si favorable aux jeunes personnes, marquait sa jolie taille, dégageait sa poitrine et ses épaules, et rendait son teint encore plus éblouissant par le deuil qu'on portait alors. On dira que ce n'est pas à un domestique de s'apercevoir de ces choses-là. J'avais tort, sans doute. Mais je m'en apercevais toutefois, et même je n'étais pas le seul. Le maître d'hôtel et les valets de chambre en parlaient quelquefois à table, avec une grossièreté qui me faisait cruellement souffrir. La tête ne me tournait pourtant pas, au point d'être amoureux tout de bon. Je ne m'oubliais point. Je me tenais à ma place, et mes désirs mêmes ne s'émancipaient pas. J'aimais à voir Mademoiselle de Breil, à lui entendre dire quelques mots qui marquaient de l'esprit, du sens, de l'honnêteté. Mon ambition, bornée au plaisir de la servir, n'allait point au-delà de mes droits. À table, j'étais attentif à chercher l'occasion de les faire valoir. Si son laquais quittait un moment sa chaise, à l'instant on m'y voyait établi. Hors de là, je me tenais vis-à-vis d'elle. Je cherchais dans ses yeux ce qu'elle allait demander. J'épiais le moment de changer son assiette. Que n'aurais-je point fait pour qu'elle daignât m'ordonner quelque chose, me regarder, me dire un seul mot? Mais point. J'avais la mortification d'être nulle pour elle. Elle ne s'apercevait pas même que j'étais là. Cependant, son frère, qui m'adressait quelquefois la parole à table, m'ayant dit je ne sais quoi de peu obligeant, je lui fis une réponse si fine et si bien tournée qu'elle y fit attention et jeta les yeux sur moi. Ce coup d'œil, qui fut court, ne laissa pas de me transporter. Le lendemain, l'occasion se présenta d'en obtenir un second, et j'en profitai. On donnait ce jour-là un grand dîner, où pour la première fois, je vis avec beaucoup d'étonnement le maître d'hôtel servir l'épée au côté et le chapeau sur la tête. Par hasard, on vint à parler de la devise de la maison de Solar, qui était sur la tapisserie avec les armoiries. Telle fière qui ne tue pas. Comme les Piémontais ne sont pas pour l'ordinaire consommés dans la langue française, quelqu'un trouva dans cette devise une faute d'orthographe et dit qu'au mot « fier », il ne fallait point de « t ». Le vieux comte de Gouvon allait répondre, mais ayant jeté les yeux sur moi, il vit que je souriais sans oser rien dire. Il m'ordonna de parler. Alors, je dis que je ne croyais pas que le « t » fût de trop, que « fier » était un vieux mot français qui ne venait pas du mot « ferus »,« fier ». Menaçant, mais du verbe ferit, il frappe, il blesse. Qu'ainsi, la devise ne me paraissait pas dire telle menace, mais telle frappe qui ne tue pas. Tout le monde me regardait et se regardait sans rien dire. On ne vit de la vie un pareil étonnement. Mais ce qui me flatta davantage, fut de voir clairement sur le visage de Mademoiselle de Breil un air de satisfaction. Cette personne, si dédaigneuse, daigna me jeter un second regard, qui valait tout au moins le premier. Puis, tournant les yeux vers son grand-papa, elle semblait attendre, avec une sorte d'impatience, la louange qu'il me devait. Et qu'il me donna, en effet, si pleine et entière et d'un air si content que toute la table s'empressa de faire chorus. Ce moment fut court, mais délicieux à tous égards. Ce fut un de ces moments trop rares qui replacent les choses dans leur ordre naturel et vengent le mérite avili des outrages de la fortune. Quelques minutes après, Mademoiselle de Breil, levant de rechef les yeux sur moi, me pria d'un ton de voix aussi timide qu'affable de lui donner à boire. On juge que je ne la fis pas attendre, mais en approchant, je fus saisi d'un tel tremblement qu'ayant trop rempli le verre, je répandis une partie de l'eau sur l'assiette et même sur elle. Son frère me demanda étourdiment pourquoi je tremblais si fort. Cette question ne servit pas à me rassurer, et Mademoiselle de Breil rougit jusqu'au blanc des yeux. Ici finit le roman, où l'on remarquera, comme avec Madame Basile et dans toute la suite de ma vie, que je ne suis pas heureux dans la conclusion de mes amours. Je m'affectionnais inutilement à l'antichambre de Madame de Breil. Je n'obtins plus une seule marque d'attention de la part de sa fille. Elle sortait et entrait sans me regarder, et moi j'osais à peine jeter les yeux sur elle. J'étais même si bête et si maladroit qu'un jour qu'elle avait en passant laissé tomber son gant, au lieu de m'élancer sur ce gant que j'aurais voulu couvrir de baisers, je n'osais sortir de ma place, et je laissai ramasser le gant par un gros butor de valet que j'aurais volontiers écrasé. Pour achever de m'intimider, je m'aperçus que je n'avais pas le bonheur d'agréer à Madame de Breil. Non seulement elle ne m'ordonnait rien, mais elle n'acceptait jamais mon service. Et deux fois, me trouvant dans son antichambre, elle me demanda d'un ton fort sec si je n'avais rien à faire. Il fallut renoncer à cette chère antichambre. J'en eus d'abord du regret, mais les distractions vinrent à la traverse, et bientôt je n'y pensais plus. J'eus de quoi me consoler du dédain de Madame de Breil par les bontés de son beau-père, qui s'aperçut enfin que j'étais là. Le soir du dîner dont j'ai parlé, il eut avec moi un entretien d'une demi-heure, dont il parut content et dont je fus enchanté. Ce bon vieillard, quoique homme d'esprit, en avait moins que Madame de Verceli, mais il avait plus d'entrailles, et je réussis mieux auprès de lui. Il me dit de m'attacher à l'abbé de Gouvon, son fils, qui m'avait pris en affection. Que cette affection, si j'en profitais, pouvait m'être utile, et de me faire acquérir ce qui me manquait pour les vues qu'on avait sur moi. Dès le lendemain matin, je volai chez monsieur l'abbé. Il ne me reçut point en domestique. Il me fit asseoir au coin de son feu, et, m'interrogeant avec la plus grande douceur, il vit bientôt que mon éducation, commencée sur tant de choses, n'était achevée sur aucune. Trouvant surtout que j'avais peu de latin, il entreprit de m'en enseigner davantage. Nous convînmes que je me rendrais chez lui tous les matins, et je commençais dès le lendemain. Ainsi, par une de ces bizarreries qu'on trouvera souvent dans le cours de ma vie, en même temps au-dessus et au-dessous de mon état, j'étais disciple et valet dans la même maison. Et dans ma servitude, j'avais cependant un précepteur d'une naissance à ne l'être que des enfants des rois. Monsieur l'abbé de Gouvon était un cadet destiné par sa famille à l'épiscopat, et dont, par cette raison, on avait poussé les études plus qu'il n'est ordinaire aux enfants de qualité. On l'avait envoyé à l'université de Sienne, où il avait resté plusieurs années, et dont il avait rapporté une assez forte dose de cruscantisme pour être à peu près à Turin ce qu'était jadis à Paris l'abbé de Dangeau. Le dégoût de la théologie l'avait jeté dans les belles-lettres, ce qui est très ordinaire en Italie à ceux qui courent la carrière de la prélature. Il avait bien lu les poètes, il faisait passablement des vers latins et italiens. En un mot, il avait le goût qu'il fallait pour former le mien, et mettre quelque choix dans le fatras dont je m'étais farci la tête. Mais, soit que mon babil lui eût fait quelque illusion sur mon savoir, soit qu'il ne pût supporter l'ennui du latin élémentaire, il me mit d'abord beaucoup trop haut, et à peine m'eut-il fait traduire quelques fables de Phèdre qu'il me jeta dans Virgile, où je n'entendais presque rien. J'étais destiné, comme on verra dans la suite, à rapprendre souvent le latin et à ne le savoir jamais. Cependant, je travaillais avec assez de zèle, et monsieur l'abbé me prodiguait ses soins avec une bonté dont le souvenir m'attendrit encore. Je passais avec lui une partie de la matinée, tant pour mon instruction que pour son service. Non pour celui de sa personne, car il ne souffrit jamais que je lui en rendisse aucun, mais pour écrire sous sa dictée et pour copier. Et ma fonction de secrétaire me fut plus utile que celle d'écolier. Non seulement j'appris ainsi l'italien dans sa pureté, mais je pris du goût pour la littérature et quelque discernement des bons livres, qui ne s'acquérait pas chez la tribu, et qui me servit beaucoup dans la suite quand je me mis à travailler seul. Ce temps fut celui de ma vie où, sans projet romanesque, je pouvais le plus raisonnablement me livrer à l'espoir de parvenir. Monsieur l'abbé, très content de moi, le disait à tout le monde, et son père m'avait pris dans une affection si singulière que le comte de Favria m'apprit qu'il avait parlé de moi au roi. Madame de Breil elle-même avait quitté pour moi son air méprisant. Enfin, je devins une espèce de favori dans la maison, à la grande jalousie des autres domestiques, qui, me voyant honorer des instructions du fils de leur maître, sentaient bien que ce n'était pas pour rester longtemps leur égal. Autant que j'ai pu juger des vues qu'on avait sur moi par quelques mots lâchés à la volée, et auxquels je n'ai réfléchi qu'après coup, il m'a paru que la maison de Solar, voulant courir la carrière des ambassades et peut-être s'ouvrir de loin celle du ministère, aurait été bien aise de se former d'avance un sujet qui eût du mérite et des talents, et qui, dépendant uniquement d'elle, eût pu dans la suite obtenir sa confiance et la servir utilement. Ce projet du comte de Gouvon était noble, judicieux, magnanime, et vraiment digne d'un grand seigneur bienfaisant et prévoyant. Mais, outre que je n'en voyais pas alors toute l'étendue, il était trop sensé pour ma tête et demandait un trop long assujettissement. Ma folle ambition ne cherchait la fortune qu'à travers les aventures. Et, ne voyant point de femme à tout cela, cette manière de parvenir me paraissait lente, pénible et triste. Tandis que j'aurais dû la trouver d'autant plus honorable et sûre que les femmes ne s'en mêlaient pas. L'espèce de mérite qu'elles protègent ne valant assurément pas celui qu'on me supposait. Tout allait à merveille. J'avais obtenu, presque arraché, l'estime de tout le monde. Les épreuves étaient finies, et l'on me regardait généralement dans la maison comme un jeune homme de la plus grande espérance, qui n'était pas à sa place et qu'on s'attendait d'y voir arriver. Mais ma place n'était pas celle qui m'était assignée par les hommes, et j'y devais parvenir par des chemins bien différents. Je touche à un de ces traits caractéristiques qui me sont propres et qu'il suffit de présenter au lecteur sans y ajouter de réflexion. Quoiqu'il y eût à Turin beaucoup de nouveaux convertis de mon espèce, je ne les aimais pas et je n'en avais jamais voulu voir aucun. Mais j'avais vu quelques Genevois qui ne l'étaient pas, entre autres un monsieur Mussard, surnommé Torgueul, peintre en miniature et un peu mon parent. Ce monsieur Mussard déterra ma demeure chez le comte de Gouvon et vint m'y voir avec un autre Genevois appelé Bacle, dont j'avais été camarade durant mon apprentissage. Ce Bacle était un garçon très amusant, très gai, plein de saillies bouffonnes que son âge rendait agréable. Me voilà tout d'un coup engoué de monsieur Bache, mais engoué au point de ne pouvoir le quitter. Il allait partir bientôt pour s'en retourner à Genève. Quelle perte j'allais faire! J'en sentis bien toute la grandeur. Pour mettre du moins à profit le temps qui m'était laissé, je ne le quittais plus. Ou plutôt, il ne me quittait pas lui-même, car la tête ne me tourna pas d'abord au point d'aller hors de l'hôtel passer la journée avec lui sans congé. Mais bientôt, voyant qu'il m'obsédait entièrement, on lui défendit la porte. Et je m'échauffai si bien qu'oubliant tout, hors mon ami Bacle, je n'allais ni chez monsieur l'abbé ni chez monsieur le comte, et l'on ne me voyait plus dans la maison. On me fit des réprimandes que je n'écoutais pas. On me menaça de me congédier. Cette menace fut ma perte. Elle me fit entrevoir qu'il était possible que Bacle ne s'en allât pas seul. Dès lors, je ne vis plus d'autre plaisir, d'autre sort, d'autre bonheur que celui de faire un pareil voyage. Et je ne voyais à cela que l'ineffable félicité du voyage, au bout duquel, pour surcroît, j'entrevoyais madame de Varens, mais dans un éloignement immense, car pour retourner à Genève, c'est à quoi je ne pensais jamais. Les monts, les prés, les bois, les ruisseaux, les villages se succédaient sans fin et sans cesse avec de nouveaux charmes. Ce bienheureux trajet semblait devoir absorber ma vie entière. Je me rappelais avec délice combien ce même voyage m'avait paru charmant en venant. Que devait-ce être lorsque, à tout l'attrait de l'indépendance, se joindrait celui de faire route avec un camarade de mon âge, de mon goût et de bonne humeur, sans gêne, sans devoir, sans contrainte, sans obligation d'aller ou rester, que comme il nous plairait. Il fallait être fou pour sacrifier une pareille fortune à des projets d'ambition d'une exécution lente, difficile, incertaine, et qui, les supposant réalisés un jour, ne valaient pas dans tout leur éclat un quart d'heure de vrai plaisir et de liberté dans la jeunesse. Plein de cette sage fantaisie, je me conduisis si bien que je vins à bout de me faire chasser, et en vérité, ce ne fut pas sans peine. Un soir, comme je rentrais, le maître d'hôtel me signifia mon congé de la part de monsieur le comte. C'était précisément ce que je demandais, car, sentant malgré moi l'extravagance de ma conduite, j'y ajoutais, pour m'excuser, l'injustice et l'ingratitude, croyant mettre ainsi les gens dans leur tort et me justifier à moi-même un parti pris par nécessité. On me dit de la part du comte de Favria d'aller lui parler le lendemain matin avant mon départ. Et comme on voyait que, la tête m'ayant tournée, j'étais capable de n'en rien faire, le maître d'hôtel remit après cette visite à me donner quelque argent qu'on m'avait destiné, et qu'assurément j'avais fort mal gagné. Car, ne voulant pas me laisser dans l'état de valet, on ne m'avait pas fixé de gage. Le comte de Favria, tout jeune et tout étourdi qu'il était, me tint en cette occasion les discours les plus sensés, et j'oserais presque dire les plus tendres, tant il m'exposa d'une manière flatteuse et touchante les soins de son oncle et les intentions de son grand-père. Enfin, après m'avoir mis vivement devant les yeux tout ce que je sacrifiais pour courir à ma perte, il m'offrit de faire ma paix, exigeant pour toute condition que je ne visse plus ce petit malheureux qui m'avait séduit. Il était si clair qu'il ne disait pas tout cela de lui-même, que malgré mon stupide aveuglement, je sentis toute la bonté de mon vieux maître, et j'en fus touché. Mais ce cher voyage était trop empreint dans mon imagination pour que rien pût en balancer le charme. J'étais tout à fait hors de sens. Je me raffermis, je m'endurcis, je fis le fier, et je répondis arrogamment que puisqu'on m'avait donné mon congé, je l'avais pris, qu'il n'était plus temps de s'en dédire, et que, quoi qu'il pût m'arriver en ma vie, j'étais bien résolu de ne jamais me faire chasser deux fois d'une maison. Alors ce jeune homme, justement irrité, me donna les noms que je méritais, me mit hors de sa chambre par les épaules et me ferma la porte au talon. Moi, je sortis triomphant, comme si je venais d'emporter la plus grande victoire. Et, de peur d'avoir un second combat à soutenir, j'eus l'indignité de partir sans aller remercier monsieur l'abbé de ses bontés. Pour concevoir jusqu'où mon délire allait dans ce moment, il faudrait connaître à quel point mon cœur est sujet à s'échauffer sur les moindres choses, et avec quelle force il se plonge dans l'imagination de l'objet qui l'attire, quelque vain que soit quelquefois cet objet. Les plans les plus bizarres, les plus enfantins, les plus fous viennent caresser mon idée favorite et me montrer de la vraisemblance à m'y livrer. Croirait-on qu'après de 19 ans, on puisse fonder sur une fiole vide la subsistance du reste de ses jours? Or, écoutez. L'abbé de Gouvon m'avait fait présent, il y avait quelques semaines, d'une petite fontaine de Héron fort jolie et dont j'étais transportée. À force de faire jouer cette fontaine et de parler de notre voyage, nous pensâmes, le sage Bacle et moi, que l'une pourrait bien servir à l'autre et le prolonger. Qu'y avait-il dans le monde d'aussi curieux qu'une fontaine de Héron? Ce principe fut le fondement sur lequel nous bâtîmes l'édifice de notre fortune. Nous devions, dans chaque village, assembler les paysans autour de notre fontaine, Et là, les repas et la bonne chère devaient nous tomber avec d'autant plus d'abondance que nous étions persuadés l'un et l'autre que les vivres ne coûtent rien à ceux qui les recueillent, et que, quand ils n'engorgent pas les passants, c'est pure mauvaise volonté de leur part. Nous n'imaginions partout que festins et noces, contents que, sans rien débourser que le vent de nos poumons et l'eau de notre fontaine, elles pouvaient nous défrayer en Piémont, en Savoie, en France et partout le monde. Nous faisions des projets de voyage qui ne finissaient point, et nous dirigions d'abord notre course au nord, plutôt pour le plaisir de passer les Alpes que pour la nécessité supposée de nous arrêter enfin quelque part. Tel fut le plan sur lequel je me mis en campagne, abandonnant sans regret mon protecteur, mon précepteur, mes études, mes espérances et l'attente d'une fortune presque assurée, pour commencer la vie d'un vrai vagabond. Adieu la capitale, adieu la cour, l'ambition, la vanité, l'amour, les belles et toutes les grandes aventures dont l'espoir m'avait amené l'année précédente. Je pars avec ma fontaine et mon ami Bacle, la bourse légèrement garnie, mais le cœur saturé de joie, et ne songeant qu'à jouir de cette ambulante félicité à laquelle j'avais tout à coup borné mes brillants projets.